psy de la police confirme pas du tout ce que vous avancez. Il a pu prendre le temps de s'entretenir avec l'assassin, et il semble qu'il soit en pleine possession de tous ses moyens. Non, vous faites erreur quelque part.